c'est qu'allumé. Dis-toi c'est quoi cette allumée, que ça va péter. Ça fait 2 heures que ce gaz est allumé. Y'aura une touche de rouge sur la route et du Mad Max. Y'aura 3 couches de rouge sous la croûte du magma. Pas une pompe ni des clous, ni de clous, ne mets des plumes. Reste cool, j'encaisse les coups, ne mets des plumes. Putain y'aura ni de gosses, ni de grosses à rassembler. Ni des molos sans la coste sur des crosses à l'assemblée. C'est de la poudre pour un talk show. Pas d'excuses ou d'un rock show. La poudre pour un talk show. Allez, je truc les un rock shop. J'joue si tu sabotes. Cause au canon juste à poser. Vu que t'as posé. On m'a dit tu veux sabote, t'as juste à poser. Juste à poser. Y'avait mon doigt sur la cachette. Y'avait ma voix, les rois se l'arracheront. La croix sur la cachette. Là sous ma voix, l'angoisse l'arracheront. Restant damné d'un condamné né, tu n'aimes. Que la douleur instantanée, le son damné des tunnels. Ok. Dès mon entrée, j'ai bugué la matrice. Les jeux sont faits, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le monde entier est piégé dans la crise. L'humanité va plonger dans l'acide. Furax et Jeff ont appelé pour le feed. T'as reconnu l'équipe, ils l'ont eu sur les sites. Je vais faire des clics, je me défie pas mes titres. T'en as pas de tes likes, un affût de tes clips. J'entends ton pro, j'ai, il est co. Dire claquer, arrête tes fictions, t'es qu'un acteur et un schlac. Quant à mon adversaire, je laisse son sang sur le parquet. Sa dernière vision sera 5 majeurs et 5 mics. Ok, les rappeurs exposés sont souvent surcotés. J'essaye mes couplets, je suis comme moi et tu ferais mieux de m'écouter. Coupé, je lève mon machin pour l'Elysée et pour les mauvais payeurs. C'est des champions du monde de l'esquive, je les appelle Floyd Mayweather. Oh, fuck les haters, oh, fuck les traders. Oh, sape noire, tête de pirate comme les Raiders. Grain de sable, bastard, teste pas. T'es mort dans la saison 1, hashtag Ned Stark. J'connais le fruit de l'échec, les claques dans le nez, je reste un insoumis. Je veux pas comme certains souffrir sur le bruit des chaînes, des claquements de fouet. Dans le rang, jamais tu m'y verras, je crache sur leur idéal. Je connais le goût de la merde, de la poussière, tant d'années misérables. J'tise des soirs, des litres, ils nous disent que l'espoir fait vivre. Suis-je le foutu bourreau de mes rêves ou triste esclave des rimes? Autant de traîtres, autant de vautours que des bouches à cogner autour. Je veux pas être ces bons toutous, assis couché le colis au cou. Ils nous enferment dans des cages, ils veulent qu'on fasse durer le vice. Nous mettent à l'écart, frère, parce qu'on a une gueule brisée. Ne parle pas la bouche pleine, nique sa mère, pas la pour pleurer, frère. J'gravite, j'galère, rien à foutre, vu qu'on a qu'une seule vie. Connaissance game, pour l'honneur de mes frères, respect de mes sœurs. J'ai cravaché, dites-leur que j'me suis fait seul. Dites-leur qu'on les emmerde, que des têtes vont tomber. Vous verrez leur chute jusqu'à la terre trembler. 5 majeurs, le VT, mes rares juste, des caractères trempés. C'est bon, balargue, envoie les ondes, pas croire en moi. Décompte, papa, emploi, c'est bon, j'blabla dans le tas. Pression, patate dans le foie, raison de bagarre, d'angoisse. Session de barbare en soi, des sons de bâtard sans gloire. Virulent, viril, un chien galeux, j't'emmène. Un pit brûlant, le vinyle, ça vient de graveux, j't'emmerde. T'inquiète pas, on grille, petite fumée, rappeur en herbe. Non, c'est peut-être pas la dream team, juste 5 majeurs en l'air. J'sais pas, sculpture, fume, visère, instable et noir. Mec, l'état me fume, misère, on flinguera les lois. Les phases fufuses, oui frère, on bang ça les wax. Néga, fufu, d'hiver, grain de sable et wang. Du sale dans la cuisine, nous c'est gore, mais rien que ça nettoie. Ne touche pas à ma musique, ou d'abord rince-toi les doigts. Le groove déçu, tape leur game, c'est un jeu d'arcade. On roule dessus, mate mes 16, ont des pneus de 4x4. J'croise un grand nombre de refrains dans la place. Mon vieux cours tira pas loin. Fier de ne pas avoir honte, mon ombre sombre du reflet dans la glace. Tous recréés dans la classe, le son des pirates à coin. Nos vies ne sont qu'un vulgaire concours de tir à 3 points. Qu'ils marquent comme un gamin en l'appelant le jeu des quartiers. Les grands yeux écarquillés, jamais donne la main, c'est dangereux de s'éparpiller. Sous les pavés, la plage, y'a pas d'eau sous le parfum. Tour de rester sage, des cadeaux sous le sapin. J'en veux être par milliers, écoute, de l'âge, peut-être on la croûte. C'est eux qui mangent l'ami du pain. S'ils chient le meilleur ami de l'homme, qui est le meilleur ami du chien. C'est la chouette en match de sa danse, c'est ma dit du bien. Se détourneront de l'axe du mal quand l'ange y aura mis du sien. Viens, y'a du boulot, entre dans mon antre. L'âme sortie du four, on peut être devant le bourreau. Boule au ventre, y'avait la foule au centre. Bonheur mais passé devant, honneur mais passé dedans. Mon passé me hante avec horreur.